quel corps. Oh. Mauvais garçon, c'est ça score. Yes. Plusieurs diamants sur le corps. Tu me connais, Bongo est belle. Tu me connais, charisme néné. Aime dans le trône de la vie du Malembe. Je suis toujours là, faut pas t'inquiéter. Malembe. Avec moi, c'est jamais fini. Jamais. Personne ne fera sa loi ici. Je suis pas là, ce sont des munis. Oh. J'ai la frappe du Bayern Munich. Oh. Avec moi, c'est jamais fini. Personne ne fera sa loi ici. Quand je suis pas là, ce sont des munis. J'ai la frappe du Bayern Munich. Tu connais. Mais oui. Ta maman me connaît. Maman connaît. Papa connaît aussi. Ils connaissent tous la mélo. Bina Kotazo. J'ai traîné dans la zone. Milliers d'euros dans la chapeau. Mais regarde, la plus belle c'est ma gomme. Mon bébé, mon plus beau diamant c'est toi mon bébé. Mon bébé, mon plus beau diamant c'est toi mon bébé. Je suis rentré par la petite porte. Oui. C'est ta main propre qu'elle a eu tort. Alors. Toujours debout, trompé, je remporte. Ah. Le but, je sais méchant quand on sort. Bébé, oui. Dans la kayak, y'a pas mouin, pas mouin, j'ai beau, pas mouin, délai, mal entouré. On t'a changé, même la couleur m'a sévé. Eh, hamdoulah, ça va. Ça va. La mode est au poste, mais je suis pas là. Oh. Eh, hamdoulah, ça va. Ça va. Ma chérie me dit, bébé, bah, on s'en va, let's go. Tu connais, mais oui. Ta maman me connaît. Maman connaît. Papa connaît aussi. Ils connaissent tous la mélo. Bina Kotazo, j'ai traîné dans la zone, milliers d'euros dans la chapeau. Regarde, mon bébé, c'est moi. Mon bébé, mon plus beau diamant, c'est toi, mon bébé. Mon bébé, mon plus beau diamant, c'est toi, mon bébé. Bina Kotazo, j'ai traîné dans la zone, milliers d'euros dans la chapeau. Regarde, la plus belle, c'est moi. Mon bébé, mon plus beau diamant, c'est toi, mon bébé. Mon bébé, mon plus beau diamant, c'est toi, mon bébé.